Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film avec une excellente distribution de comédiens français. Une bande d'anciens copains de Sciences Po, devenus de jeunes loups de la politique, se retrouve pour un week-end dans une maison isolée en Bretagne avec pour un seul mot d'ordre, se détendre. Et surtout, ne jamais parler de politique. Mais la pleine lune, des voisins adeptes de mystérieux rites celtiques et le vieil Armagnac trouvé dans la cave vont les faire désavouer leurs promesses. Est-ce qu'ils arrivent, tes collègues ? Demain, dans la matinée. Salut, ta pousse ! Salut, Yannick ! Bonjour ! Tu vois, ils sont bien arrivés ! Qu'est-ce qu'on est bien tous ensemble, là ? Ça, c'est la vraie recette bretonne, hein ? Vous mettez de la bière dans votre pâte ? On met pas de bière dans la pâte à crêpes et puis y a pas à discuter. Je suis pas parisienne, je viens de Lyon, vous savez, la grande gastronomie française. Surtout ! On va enterrer l'âge de guerre. On va essayer de sortir de cette spirale à la con. Faut l'exorciser et puis vite fait parce que sinon on va tous y passer. Hein. À partir de maintenant, tout le monde va se réconcilier et on va passer une putain de bonne soirée. C'est clair ? Et le prochain qui m'appelle Tom Pouce, je le fume. Full Moon, un film de Jérôme Lotsky avec Bruno Salomon, un DVD France Télévisions Distribution.